Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Marin, une série documentaire d'Arnaud Contreras réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste à l'Oedipe maritime, un penchant pour le bord de mer et quelques clichés qu'on voudrait dépoussiérer. Il y a l'appel du large, romantique, le quotidien des lycées maritimes, les femmes face à la pêche qui disparaît et des entreprises familiales. Mais il y a aussi la mer qui devient mauvaise, des opérations de sauvetage héroïques et la drogue qui sert parfois à calmer la peur. Alors pour commencer, les personnages. Un homme né sur l'île de Sein, un pêcheur qui a commencé comme mousse à 14 ans, un photographe, une actrice pêcheuse, aventurière et marin, un futur marin engagé pour 10 ans, une future marine, un sous-marinier en apprentissage, un autre qui fait de la marine marchande, Tabarly et Cousteau et un futur officier de manœuvre. Ensuite, le décor. Une filière délaissée, des vocations, les métiers de la mer, une exposition, une boule de sardines, des fous de bassin et des dauphins, la mythologie maritime, des rêves de charpente et de saumon en Alaska, un chantier naval, le goût du voyage, l'école de Mestrance, des exercices, le trajet Quiberon-Belle-Île, une école navale à Brest, l'anse du Poulnic, l'appel du large, le patriotisme, la guerre et la tempête. Aujourd'hui, premier épisode, on rencontre un vieux de la vieille. Devenir marin. Arnaud Contreras, Guillaume Baldi. Je suis né sur le dessin. On savait à peine marcher, qu'on était déjà dans les calottes, qu'on était déjà dans l'eau à nager. Voilà, c'est normal, c'est la logique. Là, à l'île de Sein, un petit garçon qui ne sait pas godiller et qui ne sait pas nager, il y a très peu, quoi. J'ai suivi la scolarité à l'île de Sein et ensuite je suis parti naviguer dès l'âge de 15 ans. En général, quand le père faisait la pêche, les enfants faisaient pareil, quoi, et c'est tout. Bon, ici, on était à 3 garçons, une fille. Tous les 3, on a fait la pêche. On n'aurait pas eu idée même de faire autre chose. La question ne se posait même pas. C'était là, c'était dans le sang, comme on dit. On était à plus de 100 bateaux ici à Drôme, plus de 100 sardiniers. J'ai commencé comme mousse, oui, j'avais dans la 14e année, quoi. Je connais ici 2 ou 3 personnes, en étant chef de famille, du fait que le père était décédé, ils avaient droit d'aller avant, à 13 ans en mer. Nous, il fallait attendre la 14e année. Vous écoutez des voix de marins enregistrées en mer d'Iroise et diffusées lors du vernissage d'une exposition au port-musée de Douarnenez, en Bretagne. Des voix qui racontent le passé d'un métier, la pêche en mer. Aujourd'hui, les métiers de la mer ne semblent plus attirer. En France, une partie des lycées maritimes deviennent des voies de garage, où l'on place les élèves turbulents de la filière générale. Après le lycée maritime, très peu d'entre eux embarquent. Les armateurs peinent à compléter leurs équipages. Mais d'autres jeunes femmes et jeunes hommes s'apprêtent, grâce à leur formation, à vivre leurs rêves, leur vocation. Qu'est-ce qui les pousse à se lancer dans les métiers de la mer? Comment leur transmet-on, de manière pratique, les compétences nécessaires à leurs futurs emplois dans la pêche, la marine nationale et la marine de commerce? Nous les suivons pour écouter leurs regards et leurs doutes sur leur métier, sur leur vocation, devenir marin. Je m'appelle Nejma Berder, voilà, j'habite Douarnenez depuis les années 2000. Et je viens de travailler sur ce projet qu'on a appelé Pêcheurs d'Iroise pendant une grosse année. Ben, l'exposition est tout de suite, assez rapidement, on rentre dans 2 salles dans lesquelles on trouve 41 diptyques. Donc, un diptyque, c'est 2 images que j'ai voulu vraiment associer physiquement sur le même tirage pour qu'elle soit indissociable. Quand on pénètre dans les salles, on entend quelques voix qui chuchotent. Alors, ce sont des cloches sonores. C'est un système de son qui vient par le haut, qui est censé nous envelopper sans trop polluer les alentours. Ça peut être des cursus, ça peut être des sensations, ça peut être des sentiments sur comment se porte la ressource, ça peut être sur un attachement au bateau, un attachement à un territoire. Voilà, j'ai en tout cas essayé que ça participe à une immersion sensible. À un moment donné, on est arrivé tout près, et en fait, la boule de sardine, elle était juste à côté du bateau, mais une énorme boule de sardine, quoi. Et les dauphins continuent à chasser dessous, et du coup, les fous de bassin, ils piquaient tout près du bateau. Enfin, c'était vraiment très très beau, quoi. Donc j'avais éteint le moteur et tout, parce que c'était trop beau, quoi. Et à un moment donné, il y a un dauphin qui est venu, il a... Toute la boule de sardine s'est précipitée sur le bateau. Le collègue, il a pris une épuisette, et il a ramassé une salabarde entière de sardines. Je sais pas, il y avait au moins 60-70 sardines. Et on les a mis dans le bateau comme ça. Mais c'est vrai, à chaque fois, c'est des spectacles incroyables, hein, ce genre de choses. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois quand je vois ça, quoi. Parce que c'est la nature dans toute sa beauté. C'est pour ça que je fais ce métier aussi, hein. Tous ceux qui restent pêcheurs, ils sont sensibles à ce genre de... Ouais, à ce genre d'événement ou de situation, parce que franchement, c'est... Enfin, moi, je suis né dans une île, alors... L'amour de la mer, pour moi, c'est énorme. Je ne conçois pas de vivre sans la mer, quoi. Même si j'arrêtais mon métier, il faudrait que j'aie des activités en rapport avec la mer, de toute façon. Alors, vous parlez d'esprit d'aventure. Il y a toujours cette image du marin, un peu mythique, un peu aventurier. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés là, à un moment ou à un autre, ils parlent de liberté. Même si ils peuvent vraiment en chier à leur poste et tout ça, mais ils te parlent de liberté. Il y a quelque chose quand on quitte le port, après quand on est au milieu de l'eau, quand il n'y a plus, il y a un truc qui se passe. Alors peut-être c'est pour ça qu'ils parlent de liberté. Aventuriers, les ligneurs, c'est un peu les esthètes de la profession, c'est des gars qui réfléchissent beaucoup, qui connaissent bien la ressource, qui sont capables de faire beaucoup de routes pour aller chercher un truc précis, très ciblé, avec beaucoup de moyens, avec des bateaux très performants, avec beaucoup de carburant, donc il y a un résultat un peu obligatoire, mais ils sont capables de faire 5 heures de route pour aller pêcher sur une épave, des gros lieux, ultra beaux. Bon, là, il y a un côté aventure, forcément. Il y a un côté, on mise, on va voir, on verra. Il y a des jeunes qui le font, bien évidemment, il y a des jeunes... Beaucoup parlent du recrutement. On a du mal à trouver aujourd'hui des gars prêts à embarquer. Je crois que les amplitudes horaires jouent beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un métier où faut crocher dedans. Donc c'est pas ce qu'on nous vend partout. Aujourd'hui, la vie facile, on n'y est pas là. Donc il y a une forme de logique que les gens veuillent pas faire ça. Après, pourtant, je crois que c'est des boulots où on gagne bien sa vie. Hein. Il y a quelque chose qui les rassemble aussi, c'est qu'on peut pas, on fait pas semblant, quoi. C'est trop... Ou alors quelques jours, mais ça peut pas durer. Donc ceux qui durent, ils sont là pour de vrai, ils sont là comme ils sont, et moi je me sens plutôt bien avec ces gens-là. Catherine Poulain, qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir écrivain ? J'avais décidé d'être aventurière, oui, c'est vrai. Donc je suis partie assez jeune. Bon, j'ai passé mon bac pour faire plaisir aux parents. Après, je suis partie. J'aurais aimé faire un beau travail. J'aurais aimé être compagnon, être menuisière, charpentière, mes compagnons. On n'acceptait pas les femmes. Bon. Donc j'ai voyagé et j'ai fini par découvrir, mais j'écrivais toutes ces choses, je les écrivais, ça m'accompagnait, et de fil en aiguille je vais sur les chantiers navals aux États-Unis, puis jusqu'en Alaska. J'ai rencontré, donc, lorsque j'étais en Alaska, j'ai rencontré des marins, des pêcheurs qui venaient du fin fond des terres, et certains même venaient de la montagne. Et c'est toujours resté pour moi un... Non, pour certaines personnes, c'est un mystère, comme si on est ces marins. Mais je pense qu'on peut y arriver plus tard. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir en Alaska pour devenir marin ? Alors, des années auparavant, j'avais déjà travaillé sur des chantiers navals aux États-Unis. Et il y avait cette jeune femme qui faisait une école de construction de bateaux de bois, charpentière marine. Et je trouvais ça extraordinaire. Je rêvais de faire comme elle. L'école était coûteuse. Donc elle m'a dit, pour payer mes études, enfin pour payer mon école, ma formation, je vais pêcher chaque année le saumon en Alaska. Et au début, l'idée a germé comme ça. Je me dis, un jour, je ferai cette école de bateaux. J'apprendrai, je construirai des bateaux, parce que j'ai toujours aimé construire. J'ai longtemps rêvé d'être charpentière ou menuisière. Sur ce chantier naval, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient été pêcheurs, qui avaient été marins. Et entre autres, il y avait ce gars qui avait pêché le crabe sur la mer de Bering pendant des années. Et lorsqu'il m'en parlait, j'étais absolument fascinée. Donc je suis rentrée en France. Parfois, on se retrouve dans des situations, des espèces d'embroglio. La vie peut devenir très dure. Et tout d'un coup, c'est donc revenu dans... J'ai eu l'impression que c'est la seule chose, ma seule issue, ma seule porte de sortie, ce serait d'embarquer. C'était la seule chose qui allait me sauver la vie. Donc j'ai fait mon petit sac, je suis partie comme ça. Avant de partir, je me réveillais la nuit, je regardais par la fenêtre et je regardais le ciel et j'imaginais déjà, je voyais la mer. Je voyais la mer sous le ciel, je disais là, ça c'est propre, là c'est, ça c'est, ça c'est, c'est là que tout est. Et donc je suis partie comme ça. Et lorsque je suis arrivée, le plus étrange, c'est que c'était vraiment ce que j'avais rêvé. C'était ça. Les premières sensations sur le port, c'était que j'étais arrivée. J'ai trouvé du travail très très rapidement. Au bout de 3 jours, j'avais trouvé du travail. J'ai embarqué avant même que nous ayons quitté terre. Et lorsqu'on a largué, j'ai vraiment eu l'impression que je ne reviendrai pas. Et que je ne reviendrai pas. Non, que je ne reviendrai jamais vraiment. À quel moment est-ce que vous êtes senti marin ? À quel moment est-ce que je me suis senti marin ? C'est une histoire drôle. Alors, ça faisait des années que je pêchais. J'étais partie à Naknek. Naknek, c'est... C'est Gekik, c'est sur la baie Bristol. Et j'avais pêché pendant l'été avec des femmes indiennes. Et nous pêchions sur la plage, avec la marée. Et je prends un tout petit avion, je me retrouve à Naknek. À Naknek, il y avait des bars. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au bar. Donc je vais au bar. Et là, je retrouve des gens de Kodiak et d'un peu partout. Et mon rêve avait toujours été de me faire shanghaïer. Je me dis, le jour où je me ferai shanghaïer, je serai un vrai marin, je serai un vrai pêcheur. Vous savez ce que c'est, se faire shanghaïer ? Alors, se faire shanghaïer, c'est se faire embarquer alors qu'on a trop bu, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. D'ailleurs, on avait fait ça une fois, on avait embarqué un gars comme ça pour la pêche au saumon. Le pauvre s'est réveillé au matin et il dit, mais je peux pas aller pêcher, j'ai mon billet d'avion, je pars à Juneau aujourd'hui, je vais voir ma mère. Trop tard, lui avait dit le patron, t'es parti pour la saison. Donc je me disais, j'aimerais vraiment me faire vraiment shanghaïer, mais j'étais pas le genre de personne à boire jusqu'à me laisser embarquer par quoi que ce soit. Et donc je me retrouve à Naknek, je passe une soirée magnifique là avec, et je bois et on s'amusait, on était heureux. Et tout d'un coup, un gars avait perdu son équipier, Il vient me voir. Il me dit, bon, ben, on y va. J'y suis allée. Alors, je n'étais pas tout à fait shanghaïe parce que j'ai quand même accepté, mais je dois dire que je me suis réveillée 3 heures plus tard, et lorsqu'il m'a dit de ramener l'encre, de lever l'encre et tout ça, ben, je n'emmenais pas l'argent. Je me dis, hein? Alors j'ai dit, ça y est, je dois être un vrai marin maintenant. Mais ça, c'est l'anecdote. Je pense que j'ai peut-être été... J'étais en 6 ans, et ça devait faire 6 ans que je pêchais. Et là, j'ai été embauchée par une patronne pêcheur. Et cette femme, donc, avait pêché toute sa vie, elle était à quelques années de s'arrêter. Et lorsque j'ai fini la saison, elle m'a laissé un petit mot, avec le chèque, je crois. Et elle m'a dit, tu es l'un des meilleurs matelots que je n'ai jamais eu. Et je me suis dit, oh, ça veut dire que, c'est pas parce que je suis une femme ou un gars, ça veut dire que je suis un bon matelot, donc je dois être marin. À mon commandement, garde à vous. Direction le TP plage avant, en avant. Marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. École de Mestrance, Brest. Je m'appelle Laurent, j'ai 20 ans. Je suis de la région lyonnaise de base. Je suis venu faire mes études supérieures à Lorient pendant 2 ans et demi. Et maintenant, je suis ici à Brest. Donc moi, ça fait déjà quelques années. Je voulais trouver un métier dans l'électricité, plus particulièrement. Quand j'étais à Lyon, j'ai trouvé un bac pro qui était en relation avec la marine. Donc, je voulais rentrer dans l'armée, après je ne savais pas laquelle. Donc j'avais envie d'essayer, donc j'ai postulé, j'ai été pris. Pendant ce bac pro, on a fait des stages dans la marine, en première et en terminale. J'ai vu ce que c'était vraiment la vie militaire et la vie de marin. Ça m'a beaucoup plu, donc je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans. J'avais une préférence pour la marine parce qu'on nous avait dit qu'on avait quand même pas un peu plus de liberté, mais un peu plus de réflexion comparé aux autres armées. Je me suis dit la marine c'était très bien pour moi. Vous êtes engagé pour combien de temps? Donc, normalement, je suis engagé pour 10 ans au minimum et renouvelable si jamais ils ont encore envie de moi et si j'ai encore envie de rester. Moi, j'aimerais bien avoir une carrière complète dans la marine, donc j'espère faire plus que 10 ans. Dans 10 ans, je me dis que j'aurai à peu près 30. Ouais. Dans la trentaine, je commencerai du moins à avoir une vie familiale. Donc après, on verra comment ça se passera. Mais pour l'instant, dans 10 ans, c'est 10 ans d'aventure et de voyage pour moi. Pour moi, c'est une chance de voyager en expatriation avec mes parents jusqu'à mes 10 ans. Donc j'ai vécu dans plusieurs continents et plusieurs pays. Et ça m'a vraiment donné envie de recommencer. Et si jamais je peux inculquer aussi ça à mes enfants, quand j'en aurai bien sûr. Et donc ça inculque aussi certaines valeurs, une certaine ouverture d'esprit, qui je pense nous manque quand même pas mal en ce moment. Donc c'est un tout. C'est un milieu multiculturel, c'est un milieu ouvert à tout le monde, on est tous pareils, on est tous marins militaires. Donc après il n'y a pas de différence, on est tous pareils, donc on est au même pied d'égalité. Qu'on vienne soit de milieux un peu défavorisés ou de milieux très chics. Ça revient exactement au même. Donc après, ça nous permet aussi de pouvoir voyager, découvrir de nouvelles cultures. Donc ça, c'est aussi important pour nous, donc pour s'ouvrir au monde qui est autour de nous. Bon, donc là, il a capé. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? En braquet. Pour aller faire quoi? Pour aller où? De la poupée. Qu'est-ce qu'on va faire à la poupée? On va virer. On va garnir la poupée. Okay. Allez-y, ça va mieux. On peut lui donner un coup de main. Donc là, il garnit la poupée en faisant au moins 3 trous. Au moins 3 minimum, vu du dessous. Hein. Donc là, est-ce que c'est bon ce qu'il a fait? Il a lâché les serres. On la maintient bien. À quelle distance? Un mètre. Okay. Donc là, le Bosco, là, qui est plage avant, qu'est-ce qu'il va faire comme cachet? Un coup de sifflet. Pour faire quoi? Pour virer. Virer, ça veut dire quoi? Reprendre la tension mécanique. Ok. Attention, on vire. Là, il a fait un coup pour Donc je m'appelle Clara, j'ai 18 ans et je viens d'Ardèche. Ça fait 3 semaines que j'ai débuté l'école de Mestrance. Et voilà, je suis venue ici à l'école de Mestrance pour faire la spécialité dans les ressources humaines, donc gestionnaire des ressources humaines. Et quand j'ai su que j'étais prise dans la marine, donc j'ai arrêté ma scolarité et je suis venue à Mestrance directement. Pourquoi on s'engage dans la marine ? C'est parce que déjà moi, j'avais mon frère qui était dans la marine. Du coup, je connais un peu le milieu. J'ai pas mal de personnes qui, dans ma famille, qui sont dans les armées. Et à 18 ans, je trouve que c'est une belle occasion. On peut vite évoluer, on peut vite apprendre. On peut avoir nos propres responsabilités très vite. Et je trouvais ça intéressant d'être dans la marine. Ça faisait un moment que j'y ai pensé. Et mon frère, il m'a expliqué un peu comment ça marchait, comment c'était la vie de marin. Et du coup, ça m'a bien intéressé. Et c'est pour ça que j'ai passé mes tests. Et voilà, j'ai atterri ici. Ça fait toujours rêver, le monde maritime, le monde marin. Oui, c'est sûr, quand on regarde à la télé les marins, ce qu'ils font, ça donne envie d'y aller. Je trouve que c'est une fierté de dire qu'on est marin. Et oui, moi, ça m'a toujours passionné de la marine. En fait, je trouve que c'est la plus belle des armées par rapport à l'armée de terre et l'armée de l'air. On allait visiter des bâtiments et j'imaginais pas du tout comme ça, en fait, la vie à bord. On a visité la Motte Piquet, qui est à Brest. Et c'est beaucoup plus grand, enfin, c'est pas comme on imaginait quand on regarde un bateau sur la plage. On dit il y a beaucoup de choses dans un bateau et c'est super grand, il faut savoir plein de choses, faut savoir se situer. Et ouais, du coup ça m'a quand même un peu surprise, mais ça a l'air vraiment intéressant d'être sur un bateau, quoi, d'être embarqué. Est-ce qu'on vous parle de la vie à bord en tant que femme ? Est-ce que ça fait partie de votre formation ? Oui, bien sûr. On n'est pas beaucoup de femmes embarquées. Enfin, si, on est beaucoup de femmes embarquées, mais moins que les hommes, forcément, vu qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans la marine. Mais oui, on nous a déjà parlé des femmes embarquées. Ça ne change pas. C'est pareil que les hommes. Elles font les mêmes choses. Elles sont pas vues, elles sont pas inférieures aux hommes, c'est pas partout pareil en fait. Ça me fait pas peur quoi d'être remarqué avec les hommes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et du point de vue de l'autorité que vous allez être amené à exercer ? Bah, de pas se laisser marcher dessus parce que nous on est en train d'être formés pour pouvoir diriger un groupe de personnes. Et qu'on soit femme ou homme, c'est pareil, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Faut pouvoir répondre à la personne en face de nous, même si moi, j'ai que 18 ans et que je vais avoir à faire face à des gens bien plus grands que moi. Faut se dire que c'est nous, on a été formés pour ça, donc on sait comment réagir, on sait quoi répondre et avoir une bonne répondance. Ok, on regarde le mano, est-ce qu'on est à la bonne pression ? Pression minimum d'engagement, c'est combien déjà ? 150. Minimum d'engagement, c'est combien ? 225. Ouais, 225. C'est bon ? Voilà. Toi, quand c'est 9 ? Alors ? 25. Combien la pression ? 250. 275. On ouvre le circuit, doucement, complètement, et on revient à un quart de tour. Ouais, alors si tu l'enlèves pas de son poste de repos, on va pas y arriver. Alors là, en fait, on est donc dans un bunker qui sert aux exercices, que ce soit pour la sécurité, en fait, en général, pour nous former à vraiment avoir les bons réflexes sur bateau quand il y a un sinistre. Donc là, on est au PC Sécurité, donc c'est vraiment le point névralgique de la lutte contre l'incendie, ou voie d'eau, ou pas spécialement que l'incendie, d'ailleurs. Casque et gants à la main. On est formé, on est entraîné, justement pour parer à ça. Et pour... il n'y a pas de risque zéro, forcément, mais on est conscient de ça. Mais justement, c'est pour ça qu'on s'entraîne et qu'on travaille aussi dur pour parer à ça et parer à toutes les éventualités à tout moment. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va déjà mettre le masque. On y va. Allez, on épouse le menton, on met l'araignée sur l'arrière et on serre les sangles vers l'arrière. Ok, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir le triple air complètement. On revient à un quart de tour. Je m'appelle Johan, donc je me suis engagé dans la marine donc le 27 août 2017. Donc j'ai incorporé l'école de Mestrance en formation initiale. Donc c'est une formation initiale qui dure 4 mois, où on apprend les bases du matelotage avec beaucoup de sécurité du militaire, toujours avec un tronc commun, donc via l'enseignement national, la géopolitique et du français. Ensuite, donc j'ai été recruté en qualité de détecteur anti-sous-marin en volontaire sous-marinier. Donc c'est tout ce qui se passe en fait en centrale opération, donc c'est vraiment analyser tout l'environnement du sous-marin. Donc manipuler un sonar, donc du matériel de détection, avec aussi également du contrôle du matériel à bord. Ici, dans la marine, il apprend à vivre en communauté. Et tout ça, ça nous apporte aussi la cohésion, l'esprit d'équipage pour la marine. Et vraiment, on soutient tous mutuellement. Il n'y a personne qui, si quelqu'un tombe, quelqu'un le rattrape. Et on se porte au lieu de se tirer vers le bas. Quoi. Vraiment, il n'y a pas de compétition, ou alors c'est une bonne compétition. Parfois, il y a des discussions justement d'anti-armées, d'anti-militaristes. Après, quand on discute, au final, en leur expliquant les raisons, les missions aussi de la marine, souvent, leur regard change aussi un petit peu. Ils pensent, des fois, certains même se demandent à quoi sert la marine, mais au final, ça paraît aussi logique. Comme on a quand même une zone étendue sur la mer via nos îles, ça paraît quand même être un point clé quand même de la défense de la nation. Donc... Après, certains pensent que la guerre, mais non, après c'est aussi beaucoup, que ce soit la protection de l'environnement ou des missions humanitaires. Oui, on capelle, pardon. Vas-y, on capelle. Une fois que t'es capelé, tu tapes sur le triple air. Yann, aujourd'hui, vous vous sentez marin ? Pour l'instant, on n'a pas encore embarqué, donc pour l'instant, on est un petit peu, on va dire, entre deux états. On a fini notre formation initiale, mais on n'est pas encore totalement confirmé. Quand on aura notre brevet d'aptitude technique, puis embarqué, là oui, je pense qu'on se sentira marin, mais déjà, on va dire qu'on est des bébés marins. À quel moment est-ce que vous avez décidé de vous engager dans la marine ? Et est-ce que c'était quelque chose auquel vous pensiez depuis très longtemps, ou ça paraît comme ça ? Ah non, c'est vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Au début, je ne pensais pas ça possible, en fait. Et quand j'ai commencé à monter mon dossier, je me suis dit, de toute façon, j'avais rien à perdre à essayer, de toute façon. Et au final, ça a marché et j'étais vraiment heureux en sachant que je suis breton de base. Donc vraiment, l'univers marin m'a toujours attiré par la mer. Et ayant un petit peu navigué des fois, de temps en temps, via les écoles ou quoi que ce soit, c'est vraiment très intéressant. C'est plus le monde de la pêche, le monde de la marine marchande aussi également. On nous en parle forcément beaucoup plus et... je pense que c'est une vie aussi un petit peu différente qu'à terre. C'est quoi le point commun pour vous à tout cet univers marin qui existe aujourd'hui ? C'est les conditions de travail. Pour moi, on vit pas forcément isolé non plus, mais il y a quand même un cadre qui est un peu plus confiné que, par exemple, la terre dans un travail lambda, entre guillemets, où on va pas forcément pouvoir rentrer chez soi tous les soirs, on va aussi avoir des contraintes, la promiscuité, tout ça, mais après, derrière, si on le choisit, normalement, si ça nous plaît... c'est aussi pour ces raisons-là, quoi. C'est pour vivre vraiment en communauté, mais après, on revient quand même au port base et on revoit quand même la famille à terre. Mais bon, c'est quand même des bons voyages, je pense. Est-ce que ça apporte un peu de prestige d'être marin ? Ça a aussi l'uniforme en général, je pense, mais pas spécialement. Mes proches me soutiennent dans mon projet, en fait. Ils ont été au départ un petit peu surpris que je monte mon dossier. Ils me pensaient aussi pas fait pour ce monde, et en fait. Surpris, mais agréablement surpris, au final. Et ils savent que maintenant, je suis bien épanoui dans ce que je fais. Donc, au contraire, ils me soutiennent à 100% sur tout ce que je vais faire maintenant. Et certains même se posent du coup la question de pourquoi pas forcément la marine nationale, mais la marine de commerce ou marchande. Ça peut toujours être intéressant. Donc, les surbots, on les annonce. Et c'est des petits obstacles, on s'arrête pas dessus. Attention, surbots, et on passe. Donc là, on vient de démarrer les moteurs. Ce que je viens de faire, là, c'est avant chaque départ, on fait un essai. Donc on fait un essai d'embrayage des hélices, ce que je fais maintenant là. Et un petit coup sur le propulseur d'étrave pour s'assurer qu'il est en bon fonctionnement. Voilà. Hop, et on va se signaler au port, même s'il n'y a personne qui écoute à cette heure-là. Le guichet du Bangor, on ferme avec 131 passagers. Essayez de ne pas parler en même temps, c'est mieux. Ouais. Port de Port-Maria, le Bangor à l'appareillage, dans 2 minutes. Ok, bien reçu pour 131, tu as 5 enfants et 3 bébés. Bonne soirée à vous, à demain. Oui, reçu 5 et 3, bonne soirée aussi, à demain. L'arrière, t'es paré ? Allez, tu peux larguer derrière. Largue tout devant. Sylvain Lenormand, commandant du Bangor. Et on est actuellement sur la passerelle du navire roulier et ferry de la compagnie Océane qui fait les liaisons sur départ de Quiberon à destination de Belle-Île. C'est clair encore ? Ouais, ok, merci. On s'apprête à partir dans moins d'une minute. Dans cette période-là, il y a une rotation le matin avec ce bateau-là, une rotation le soir avec ce bateau-là, pendant que l'autre assure la continuité du service. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir marin ? C'est une vaste question. Mon enfance, essentiellement. Mes parents ont déménagé à Tahiti. Et c'est quand j'étais enfant. Et du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré... Je viens pas du tout d'un milieu maritime, je suis des terres. Et c'est en vivant là-bas que je suis monté sur un bateau pour la première fois, j'ai fait de la plongée pour la première fois, et j'en suis... Voilà. 30 ans plus tard, j'en suis toujours pas revenu, donc... Un jour, il a fallu faire un choix de métier, et celui-là était bien. À l'heure actuelle, je regrette toujours pas mon choix. Donc... Comment ça se déroule, les études de marine marchande ? Alors ça se déroule on passe un concours et après on intègre l'école de la marine marchande. Alors, après il y a plusieurs cursus, le cursus on va dire principal, en tout cas plus élevé, c'est un cursus qui dure 5 ans avec 3 premières années d'école avec des stages embarqués entre chaque année, une grande période embarquée et une dernière année pour accéder au dernier brevet de qui permet l'accès au commandement. Être un marin, une compréhension d'un milieu, une compréhension d'un outil de travail qui est le navire, un état d'esprit, une envie de bouger, une envie de voyager, une envie de découvrir plein de choses, parce qu'être marin, c'est se servir d'un bateau, qu'on soit membre d'équipage, commandant, lieutenant, second, élève, tout le monde participe à se servir d'un bateau. Après, un bateau reste un outil pour faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait. Le fait de pouvoir faire plein de choses, quand on est sur un... Enfin, moi, je viens du monde du commerce, donc les porte-conteneurs, le pétrole, le passager, tout ce qui n'est pas marine nationale et marine de pêche. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, vous réalisez tous les jours le même trajet. Est-ce qu'il y a un côté... justement, on perd un petit peu la liberté du marin qui est associé à l'idée du marin ? Alors c'est sûr que dans cette exploitation, ça oui, c'est Quiberon-Belle-Île, c'est pas la grande aventure exotique qu'on imagine dans les livres. Maintenant, ça reste un vrai métier de marin. Il y a des courants, il y a des vents, il fait beau. En été, il y a de la fréquentation de plaisance. En hiver, il y a des tempêtes. C'est jamais les mêmes dangers, jamais les mêmes choses auxquelles on peut s'attendre. Les manœuvres ne sont jamais identiques. Donc oui, on garde, même sur une exploitation courte comme celle-là, on garde une... Il faut garder un esprit de marin, c'est primordial. Enfin, moi, j'ai vécu personnellement des embarquements qui se sont pas, pour des raisons humaines ou diverses, ne se sont pas bien passées. Et quand on est loin de chez soi, que ça se passe mal, qu'on est dans un navire, c'est un lieu de, aussi bien un lieu de vie qu'un lieu de travail. Quand on est mal dans cette ambiance-là, ça devient vite l'enfer. Et on, ça peut très vite se transformer en épreuve. Les pires que j'ai eu à vivre en mer, ce sont les décès. Les décès de membres d'équipage. Ça, c'est très difficile. Ouais. Très difficile. Un navire concentre les émotions. Et qu'il y a une partie de l'être humain qui a envie d'exprimer ses émotions. Et d'un autre côté, la fonction, le fait de devoir continuer à assurer sans la personne, le métier, le professionnalisme fait que ces émotions-là, il faut aussi les contenir pour pouvoir continuer. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est quelque chose de très difficile et qui peut être assez éprouvant. Oui. Ça va, Karim ? Ça va. Ok. Allez, tout ensemble, repos. Ok. Bonjour à tous. Bonjour, Socomètre ! Aujourd'hui, donc, bienvenue en Bretagne pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Sous ce magnifique temps breton. On va en profiter pour travailler une des composantes essentielles de la méthode naturelle, la rusticité. Donc la méthode naturelle, ça a été inventé par un marin, Hébert, d'où l'hébertisme, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des tribus qui avaient un fort potentiel physique sans jamais pour autant avoir de cours de sport ou de machines ou de salles. Voilà, il s'est rendu compte qu'il y avait des tribus très puissantes et il s'est demandé comment ils faisaient. Et du coup, il a mis en place la méthode naturelle, l'hébertisme, en prenant quelques éléments, porter, courir, nager, et il y a une composante, la rusticité. Aujourd'hui, à travers cette méthode naturelle, on va essayer de ressentir un peu ce que c'est la rusticité. Donc si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, pour l'ensemble, garde à vous, rompez les rangs, et bienvenue en Bretagne. Merci, Gomet. École navale, l'Enveop. Donc, la place d'armes où a lieu l'appel tous les matins. Je peux faire un petit peu de ça. Bien sûr, ouais. Donc, il y a le mât de pavillon avec le pavillon français qu'on lève en fait tous les matins au moment de la cérémonie des couleurs. Et qu'on descend tous les soirs. Voilà. Et derrière, c'est la rade de Brest, l'anse du Poulmic plus précisément. Voilà, où apprennent à naviguer les élèves, que ce soit sur voilier ou sur bâtiment école. Voilà. Donc là, on rentre dans le bâtiment élève, il s'appelle le bâtiment Orion. Donc on y retrouve toutes les salles de classe, mais aussi les logements, les postes élèves. Parce qu'en fait, les élèves en première année habitent sur site, donc sont par poste, comme on appelle. Et à partir de la deuxième année, pour la plupart, ils prennent des maisons, souvent presque de Crozon, en colocation, et sont du coup externes, on va dire. Mais en première année, ils habitent tous sur site. Notre bâtiment, là où on suit nos cours, là où on dort, là où on mange, on est à 30 mètres de l'eau. Donc les conditions de vie sont plus faciles que sur un bateau, mais on est presque comme sur un bateau. Donc là, c'est un peu tous les... d'anciens élèves de l'école navale qui sont passés par ici, et donc on sait qui sont passés par l'école navale, Jacques-Yves Cousteau ou Éric Tabarly. Bon voilà, ils ont été connus pour leur carrière maritime. Après, il y en a d'autres où c'est un peu Michel Serre, c'est quand même un peu moins su et connu qu'il est passé par ici, quoi. Il y a Pierre Lautier également. Voilà. Marin qui m'inspire, voilà, un premier nom qui viendrait, ce serait Éric Tabarly. Je pense qu'en termes de dévouement à la mer, on peut difficilement faire mieux. Et donc là, c'est un poste, en fait, c'est la reconstitution d'un poste élève tel qu'il était à bord des vaisseaux écoles. Mais en fait, donc le hamac a continué d'exister même une fois que l'école était à terre, en fait. Jusqu'à que ce bâtiment ici soit construit, les élèves, du coup, dormaient dans des hamacs. Voilà. Et a priori, ils ne s'en plaignent pas. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est assez drôle, c'est que ce qui fait tenir le hamac bien droit, ce sont les bois de hamac sur les deux extrémités. Sauf que ça, quand les élèves arrivaient, ils n'avaient pas leur bois de hamac. Ce sont leurs parrains de l'année précédente qui leur remettaient au bout d'un mois à l'école. Donc pendant un mois, c'est un peu moins stable, effectivement, et peut-être un peu moins confortable. Mais a priori, on reçoit tous les ans en fait, d'anciennes promotions de l'école. Et donc, on a reçu, il y a 2 ans, une promotion qui avait connu les hamacs et qui, a priori, ne s'en plaignait pas et était plutôt ravie d'avoir dormi dans les hamacs et trouvait ça plutôt confortable. Donc, comme quoi. Donc, un des deux amphithéâtres où les élèves vont avoir cours. Les relations avec le pilote, donc se rappeler hein, de la première phase, hein. Le pilote est le conseiller du commandant, donc c'est l'expert effectivement de son plan d'eau, donc du chenal qui va vous faire prendre, donc il connaît donc le bord, l'endroit où vous allez accoster, mais ça reste, hein, dans la marine nationale en tout cas, ça reste un conseiller du commandant, c'est-à-dire que le commandant garde la main, en général garde la manœuvre, ou l'a fait faire par un de ses officiers. Tandis que dans la marine marchande, le pilote, en général, manœuvre lui-même le bateau. Et le commandant donc, du bateau marchand se tient au contraire en retrait. Je m'appelle Augustin. Donc, voilà, donc, je suis en deuxième année à l'école navale, dans la promotion EN 2016. Donc, éclairé, hein, il faut suivre. Donc, à l'école navale depuis un an et demi maintenant. C'est pas lui qui donne directement. Ouais, alors là, c'était un cours de manœuvre théorique. Donc, c'était notre deuxième, nous, cette année. C'est des manœuvres de port. On sera amené à être. Moi, je suis cursus opération. Et donc, je serai amené à être chef de quart et éventuellement officier de manœuvre sur des bateaux plus tard. Et donc, on apprend à les différentes manœuvres possibles, parce que chaque port a une configuration particulière, chaque port a des moyens portuaires particuliers. Et du coup, il faut qu'on soit capable de s'adapter à chaque situation. Et donc, on apprend la théorie. Ici, avec un officier qui est un ancien officier de manœuvre. Moi, je suis issu d'une famille militaire, mon papa est marin aussi, et j'ai décidé assez tard d'intégrer l'école navale. Papa a toujours... il n'a vraiment pas voulu m'influencer dans mon choix, il nous a toujours répété, toujours essayé de faire en sorte cours de notre scolarité, qu'on connaisse d'autres métiers. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi de rentrer dans la marine. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que j'ai un certain héritage familial. Tout ça, le fait d'avoir habité au bord de la mer, etc. Tout ça a fait que j'ai eu envie d'être marin. Est-ce que ça va de pair avec une certaine littérature, un certain cinéma, avec d'un point de vue culturel aussi ? Non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment un... Je pense que c'est plus le côté oui marin et sportif que marin culturel. On n'est pas très littéraire, pas dans la famille. Donc non, on regardait pas le crabe tambour ensemble. À l'école navale, on parle plus de l'armée ou de la marine. Certains rentrent avec l'objectif d'être commando. Du coup, ils sont vraiment militaires. Ils voudraient qu'on fasse plus d'activités en treillis. D'autres rentrent avec l'objectif d'être pilote, et vraiment pilote. Donc, eux, c'est l'aviation. Et d'autres sont venus là pour naviguer, pour être surfacier. Et donc, c'est plus le côté maritime qui nous attire. Enfin, on parlera en premier du milieu maritime. Mais je pense que ce qui lie les trois, c'est l'humain, la relation humaine, qui est forcément liée à la notion de militaire. Mais c'est le lien commun entre tous ces désirs, entre guillemets. C'est bon ? Est-ce que tout le monde est là ? On peut commencer ? Bon, je suis désolé, il n'y a pas de micro. J'espère que ceux d'en haut vont m'entendre, parce que sinon, il y a de la place devant. Hein. J'avais pourtant dit, descendez. Si vous n'entendez pas, certainement désolé, mais je n'avais pas élevé plus la voix, parce qu'on est là quand même pour 4 heures. Ok, donc ce matin... Nous allons voir ce matin, dans cette première heure, le couplage entre génératrices hein, à bord des bâtiments de la Marine nationale. élève officier Paul. Je suis en première année à l'école navale, donc j'ai intégré l'école à la fin du mois d'août. Donc ça fait après, a priori aujourd'hui 6 mois que je suis dans la marine. Je suis entré à l'école pour devenir dans l'objectif de devenir pilote de chasse. Et dans la deuxième heure, nous verrons le statisme. Je vivais assez loin de la mer. Moi, c'est vraiment la mer. J'ai eu un attrait assez lointain. J'ai pas eu la chance de vivre comme je voulais sur le littoral. Mais c'est donc j'ai un rapport assez indirect au début, mais j'ai toujours eu cet attrait, l'appel du large en fait. Donc je pense qu'il vient d'assez profond, étant donné qu'il n'a pas pu réellement naître au contact direct de la mer. Donc depuis tout petit, bon, j'ai un grand-père qui naviguait, et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pouvait l'amener à vouloir prendre le large. Et je suis venu le chercher ici, je pense. C'était essentiellement du loisir. C'était pas un grand marin explorateur non plus. Mais voilà, moi je l'ai assez peu connu, et surtout sur les dernières années, il était absent parce qu'il était justement, il était essentiellement, il passait du temps en mer. Donc c'est vrai que c'est cette absence que j'ai voulu chercher à comprendre, je pense. Le marin, c'est l'attrait de la mer, c'est déjà l'élément aquatique, mais je pense que c'est le militaire ici qui est prépondérant, parce que j'ai aussi développé un gros amour de la patrie. J'ai vraiment envie de servir mon pays, donc je pense que s'engager dans la marine, a priori, c'est un bon compromis pour tout ça. Je me suis vu surtout dans le contexte récent, quand on voit les attaques qui peuvent être portées contre notre pays, tout ça, on développe encore plus ce sentiment de défense, on va dire. Et puis bon, les missions de la marine qui s'exportent, on va essayer aussi d'apporter un peu de sérénité et de paix, on va dire, là où les gens ne peuvent pas forcément se l'offrir par eux-mêmes. Et tout ça, bien entendu, sans coupure sur le réseau. C'est l'objectif principal. Toute manipulation sur le réseau doit se faire sans le perdre. Moi, je garde un souvenir d'un lever de soleil sur le Sinaï en remontant la mer Rouge à 4-3. Enfin, il était quoi? Il était, ouais, 5-6 heures du matin. J'étais tout seul, avec un matelot. Voilà, j'avais le Sinaï et le soleil, puis rien que pour moi, la mer calme, c'était un moment assez magique. Voilà. Et au final, même des lendemains de tempête éprouvantes où on a passé, au final, c'est un bon souvenir parce qu'on a réussi. Ça peut se transformer vite, mais voilà, quand on s'en sort, ça reste un bon souvenir. Il y a la peur de ne pas s'en sortir de la tempête, qui est toujours présente malgré les conditions de travail, les bateaux qui sont très modernes. Oui, après moi, enfin, ça c'est très personnel comme ressenti. Moi en général, cette peur-là, elle vient après. C'est-à-dire que sur le moment, on fait ce qu'il y a à faire, quoi. On prend les mesures qui s'imposent, on met à la cape, on attend que ça passe. Et par contre, après, quand on réalise ce par quoi on est passé, ah oui, c'est passé pas loin quand même. On aurait pu, mais c'est passé. Mais oui, ça c'est. Mais oui, il faut y penser, bien sûr. Un bateau, c'est. Il faut évidemment penser au pire toujours, sans que ça devienne envahissant. La solidarité des gens de mer, c'est quelque chose qui existe ou c'est de l'ordre du mythe aussi? Elle existe vraiment. Elle existe vraiment partout, sur toutes les mers du monde. Elle existe pour de vrai. J'ai un exemple. Printemps dernier, un petit navire de pêche d'ici, là, de Belle-Île, qui s'est. Le gars s'est coincé la jambe dans son câble de treuil. Voilà, je me suis dérouté, j'avais des passagers, je me suis dérouté pour aller l'aider. Et tous les navires du coin se sont déroutés pour aller l'aider. Enfin, ça fait partie des belles choses encore. Est-ce que vous avez des rapports différents avec les terriens qu'avec. Vos consoeurs et confrères marins? Oui, très clairement. Oui. Il y a toute une partie de ma vie que quelqu'un qui n'a jamais été en mer n'appréhende pas. On a beau essayer de l'expliquer, d'essayer de mettre des mots sur quelque chose, ça reste une expérience de vie. Et voilà, ça mettra toujours une certaine distance et une certaine forme d'incompréhension entre un terrien et un marin. Ça, j'en suis persuadé. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le bateau, un jour, mon patron m'amène... Nous allons visiter des Norvégiens qui avaient un gros bateau de pêche qui sentait le ciré mouillé, qui sentait le gasoil, qui sentait les appâts, qui sentait le... Il pleuvait, il faisait extrêmement... Oui, un temps de fin d'hiver là-bas, il faisait gris, il faisait froid. Et tout d'un coup, mon cœur a été comme emporté, mon cœur a été balayé. Je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas née là? Je suis déjà trop vieille. J'ai l'impression que ma vie était là. Donc, tout d'abord, il y a eu comme une passion pour ces bateaux. Parce que c'est le bateau que j'aimais, c'était cette odeur. Le bateau, c'est comme le bateau est vivant. On a l'impression que c'est un gros ventre là. Son moteur, c'est un cœur là qui bat, qui rugit. Et oui, donc en premier, c'était l'amour pour les bateaux. Mais pour ces bateaux de travail, pour ces bateaux qui grondent, et puis pour l'océan aussi, parce que c'était embarquant et quittant terre. On quitte tous ces fils, toutes ces velléités là, humaines, toutes ces petites... ces choses qui nous encombrent l'âme, ces choses qui nous ralentissent, et tout ce qui est aussi façade, tout ce qui est parodie, tout ce qui est... On entre vraiment au cœur de... le grand souffle du monde, la respiration du monde. Donc c'est peut-être aussi un sentiment d'appartenance soudain à quelque chose de plus vaste qu'une famille, qu'une société, qu'un pays. C'est appartenir au souffle du monde. Ouais, tourne comme ça. C'est tourné devant. C'est tourné devant. Quelque chose de très, très, très, très important et de vital que l'on apprend sur le bateau et qui peut servir après dans la vie. On nous apprend en premier à ne pas prendre les choses personnellement. C'est le premier conseil qu'on m'a donné des pêcheurs. Ils m'ont dit, lorsque je crie, lorsque le patron hurle, lorsque... ne le prends pas personnellement. Nous crions après l'urgence, nous crions après le danger, nous crions parce qu'il faut faire les choses. Et j'ai appris à faire commun, à hurler aussi, à pousser des gueulantes, envoyer parfois le patron aussi se faire foutre, fuck you. Ça faisait du bien, ça... Et le patron ne le prenait pas mal non plus, parce qu'il savait que c'était... J'étais entrée vraiment dans le bain, j'étais dans l'urgence. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, ou dirons-nous, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, on ne vit pas... dans notre vie terrienne, je trouve que nous prenons toujours personnellement, au premier degré. Nous n'avons pas le droit d'avoir cette même impulsivité, cette même spontanéité dans nous. Et cette espèce d'exultation, en fait. Exultation de la colère, exultation du corps quand il travaille, quand il se donne à fond jusqu'à ce qu'il soit épuisé, exultation de... Et en pêchant, j'avais trouvé donc que c'était tout allait au dehors de moi. Avec par ordre d'apparition, Nejma Berder, photographe, Catherine Poulain, écrivain, Laurent, Clara, Johan, élève à l'école de Mestrance, Sylvain Lenormand, commandant du Bangor, Augustin et Paul, élèves à l'école navale. Merci au Port-Musée de Douarnenez, au contre-amiral François Rebourg, à la Compagnie Océane, à l'école navale Lanvéoc, à l'école de Mestrance, Brest. Mixage Jean-Michel Coquille, réalisation Guillaume Baldi,